elle m'a desservi dans un sens, parce que j'étais obligé de me définir à travers les besoins des autres. Je pensais vivre pour les autres, mais je vivais pour moi. J'ai toujours vécu pour moi. Puis aujourd'hui, tu me dirais, tu vis-tu pour toi? Parfaitement, totalement. C'est juste que je suis un champion de l'échange. Je m'arrange pour que l'autre soit balancé dans ce qu'il apporte. That's it. C'est simple de même. Okay. Facile d'aimer quelqu'un. Tu as juste à t'aimer. Si tu t'aimes parfaitement, tu vas aimer l'autre parfaitement. Parce que aimer l'autre parfaitement, c'est s'occuper d'avoir de l'accompagner. Tu sais, tu ne peux pas être parfaitement heureux tout seul. C'est impossible. OK. Une question dans le coin? Au niveau des enfants, là, tu disais tout à l'heure, des vies passées, est-ce que c'est des âmes? C'est tout le temps le même groupe d'âmes qui se réincarnent, de famille en famille? Tu veux dire que la famille se suit dans... Oui. Non. Non. Non, heureusement. je ne voudrais pas que tu sois ma main. Oui. Non. Il faut que le monde vive, asti. Tu peux pas parler de conscience à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Tabarnak, un enfant, ça n'a pas d'expérience. Comment tu veux y rentrer des hosties de principes de con? Parce que c'est con, la conscience. Ça rend la vie plate. Je regarde la binette, toi, là, les yeux pétillants, puis c'est un gros mangeur de viande, ça, là. Je dis, penses-tu que c'est le temps de la conditionner? Elle ne s'est même pas tapé une déception encore. Slack d'une coche. Elle va s'en rappeler, ou elle va te demander s'il y a besoin de cassette ou quelque chose du genre. La conscience est une affaire qui vient des forces, ça ne vient pas d'un être humain. Donc, c'est ça.